Chapitre 25e à Belminster. Walter Morden trouva beaucoup à faire dans la ville de Belminster. Bien que les gravures de Maud, qu'on voyait à la fenêtre de Miss Fagg, la couturière de la grande rue, fussent vieilles d'une année et demie et connues du reste du monde avant d'être une nouveauté à Belminster, bien qu'il y eût 100 choses différentes pour lesquelles la petite ville du Yorkshire fut en retard d'un siècle sur les villes plus grandes et plus affairées, il y avait certaines choses pour lesquelles elle était aussi avancée que la ville d'eau la plus fréquentée ou la ville manufacturière la plus importante de toute l'Angleterre. Hélas, pourquoi faut-il que je l'écrive? Ces choses pour lesquelles Belminster n'était pas en retard, c'étaient les crimes et les vices qui projettent leurs ombres hideuses jusque dans les lieux les plus charmants. Belminster, en fait de vices, était en avance sur le siècle, ou ne devrais-je pas dire plutôt qu'elle était cruellement et tristement en arrière, en raison de son isolement, qui la tenait dans l'ombre pendant que de nouvelles lumières brillaient sur l'obscurité d'endroits plus fréquentés et mieux connus. Les habitants de Belminster avaient été abandonnés à leurs mauvaises mœurs. Le tapage des nuits de débauche, de disputes, se faisait entendre dans ces rues sombres. Le dernier recteur de Sainte-Marie était un vieillard paresseux, qui faisait souvent dans ses sermons des allusions personnelles aux membres de la congrégation, les interpellait quelquefois par leur nom, et les faisait toujours rire. Mais comme à Noël, il donnait une grande quantité de bon vin vieux, de soupe, de flanelle, de charbon et de bœuf, il était généralement aimé, et tout Belminster l'accompagna jusqu'à sa dernière demeure en pleurant, en gémissant et se lamenta. Puis, tout Belminster termina la journée par une batterie d'ivrognes. Le nouveau recteur était un homme tout différent, fils d'un petit fermier. Il avait commencé sa carrière avec une cure de 55 livres par an, dans un petit village de Lincolnshire, et il avait lentement fait son chemin dans l'estime de l'archevêque d'York, par des actes d'abnégation et de dévouement, qui avaient fait connaître, aimer et craindre son nom partout où il était reçu. C'était l'homme qu'il fallait à Belminster. Le tonnerre de sa voix ébranlait la voûte de Sainte-Marie. Il réprouvait et condamnait les vices de ses ouailles. Mais il avait soin de leur montrer comment ils pouvaient se corriger. Le péché ne l'effrayait pas. Il ne tremblait jamais à son aspect, mais il le pourchassait et en venait aux mains avec lui, luttait corps à corps et sortait victorieux. Il ne traversait pas de l'autre côté de la rue quand il apercevait une femme de mauvaise vie, mais il la saisissait par les coins de son châle et lui demandait pourquoi elle se conduisait ainsi et s'il avait l'intention de continuer une vie aussi misérable, sans espoir de s'amender et sans s'efforcer de le faire. Il se mettait toujours au niveau des gens auxquels il parlait, non avec ostentation, non en employant des paraboles aussi fausses que creuses, mais des arguments clairs et positifs, et il n'était content que lorsqu'il avait convaincu son interlocuteur. « Vous êtes ouvrier, moi aussi, je suis ouvrier, » disait-il à un briquetier paresseux et ivrogne. « Vous négligez vos travaux et vous fatiguez la paroisse de vos demandes répétées de secours quand vous devriez gagner 30 shillings par semaine. Vous avez été un paresseux sans doute, vous avez bu, et vous vous êtes fait renvoyer par votre maître. Pensez-vous que ce ne serait pas un plaisir pour moi de boire une vieille bouteille de porteur et de paraître ensuite chez moi toute la journée à lire le journal? Sans doute, ce serait un plaisir, mais je ne dois pas le faire, et qui plus est, vous ne devez pas le faire. Ou, si vous le faites, vous devez en subir toutes les conséquences, qui, je vous le dis clairement, vous conduiront à mourir de faim. 9 fois sur 10, ce raisonnement réussissait pleinement, l'homme reprenait courage, quittait le cabaret, et cherchait du travail s'il y en avait, et il y en avait presque toujours pour ceux qui en cherchent. M. Hayward n'essayait jamais de tromper les hommes et les femmes à l'aide de ces petits subterfuges anodins auxquels personne ne croit jamais. Il ne disait pas des malheureux entassés dans un sous-sol, où l'air pur ne pénètre jamais, que si seulement ils étaient bons, ils seraient certains d'être heureux. Non, il leur disait qu'il ne fallait pas se plaire au milieu de la boue et de la fange, qu'il fallait ouvrir les fenêtres, donner de l'air, purifier et blanchir à la chaux leurs habitations, et qu'alors, mais pas avant, ils pourraient être heureux et contents. Dans tous ces travaux, il les aidait substantiellement, et quand c'était fini, que la maison était propre et que la fille aînée arrachée à la rue était envoyée à une maison de réforme établie à quelques milles de la ville par le recteur et quelques habitants charitables de Belminster, quand le fils aîné avait été guéri de l'habitude de jouer à pile ou face au coin des rues et envoyé dans une fonderie pour gagner 5 shillings par semaine, quand les plus petits étaient installés à l'école de charité et que le père, avait réussi à se remettre à son travail, alors le recteur se mettait à enseigner à ses gens le moyen d'être bon, et alors, et pas avant, il trouvait en eux des élèves aptes à écouter sa parole. Mais M. Hayward ne parvint pas à se frayer un chemin dans le cœur de ses paresseux sans un rude combat. D'abord, Belminster le détesta et se défia de lui. Puis on commença à le craindre et ensuite on finit par l'aimer. Par l'aimer comme des enfants peuvent aimer un père bon, mais sévère. Et tel était l'état des affaires quand le recteur s'assura un excellent coadjuteur dans la personne de Walter Remorden. Le recteur n'avait qu'un enfant, une fille d'environ 19 ans qu'il aimait à la folie, et son affection était bien méritée. Car Blanche Hayward aimait son père comme peu de pères ont le bonheur d'être aimés en ce monde. Mrs. Hayward était une personne inutile et insignifiante, qui passait ses journées à faire de jolis travaux de fantaisie, et qui ne se fatiguait jamais de lever les yeux au ciel et de se récrier contre la dépravation de Belminster. La direction de la maison, la dispensation des aumônes, la coupe et la confection des vêtements pour les pauvres, tout cela était réservé à Blanche, qui était la conseillère et la confidente de son père et qui l'aidait dans toutes ses entreprises. Le père et la fille se promenaient ensemble dans les jardins du presbytère pendant les fraîches soirées de l'été. Le père appuyait sa main sur l'épaule de Blanche et lui racontait ce qui s'était passé dans la journée, pendant que la femme les regardait par la fenêtre du salon, se demandant comment il pouvait avoir tant de choses à se dire. Mais la fille du recteur n'était pas une personne ordinaire. Elle avait été élevée par son père, avait fait d'excellentes études, parlait une demi-douzaine de langues modernes, connaissait bien l'histoire, et pouvait rédiger un excellent sermon. Les jeunes personnes de Belminster ouvraient de grands yeux quand elle leur disait simplement et sans rougir qu'elle ne connaissait pas une seule note sur le piano et qu'elle ne savait pas dessiner une feuille, ni une des abeilles du jardin. Elle n'était pas jolie, ses traits étaient irréguliers, son teint pâle, mais son visage avait une expression de bonté et d'intelligence qui eût racheté le plus laid visage. Elle avait d'abondants cheveux châtains qui tombaient en boucles naturelles autour de sa tête et qui défiaient toute tentative d'arrangement. Elle s'habillait on ne peut plus simplement, car passant tout son temps à visiter les habitations des pauvres, elle n'avait guère besoin de beaux habits. Elle avait été une fois à un bal du comté vêtue d'une robe de soie noire montant à manches longues et, ainsi que le remarquèrent les dames outrées de Belminster, sans seulement avoir mis une fleur dans ses cheveux. Mais comme cette luxuriante chevelure tombait autour de sa tête et sur ses épaules avec grâce, que sa robe noire mettait en relief ses épaules arrondies et ses bras blancs, Miss Blanche Hayward n'avait pas été la moins admirée, ni la moins attrayante du bal. Et elle avait parlé. Je suis effrayé de dire combien elle avait parlé à ses danseurs, et aux vieux gentlemen relégués contre la muraille, et aux jeunes filles, et aux duègnes, et jusqu'à un des valets qu'elle avait reconnu pour un ivrogne réformé et un protégé de son père. Mais malgré tout cela, tout le monde l'estimait et l'aimait, et elle rentra à la maison après une soirée du plaisir le plus pur pour se lever à 6 heures le lendemain matin, s'habiller à la lumière et aller faire la classe à l'école nationale. Blanche Hayward et Walter Remorden furent bientôt les meilleurs amis du monde. Elle était enchantée du nouveau recteur et bien qu'elle ne pût comprendre sa tristesse, elle voyait qu'il courait à son devoir comme à une distraction, l'aimant pour lui-même, plus encore, s'il était possible, que son père et elle-même, simplement parce que c'était à faire et parce qu'il était bon de le faire. « Monsieur Remorden a quelque chose dans l'esprit, papa, » dit-elle un matin à son père. « Savez-vous ce que c'est ?»« Non, Blanche, que peut-il avoir ?»« Sa femme est dans l'aisance, son revenu ici est suffisant. Il n'a pas à lutter contre la pauvreté, sa santé est excellente. »« Assez bonne, papa, » interrompit Blanche, « mais pas excellente. » Vous savez qu'il venait seulement de relever d'une grave maladie quand il est venu à Belminster. « Vous savez tout, à ce qu'il paraît, Miss Blanche, » dit son père en riant. « Il me l'a dit. Vous le savez, papa, » répondit-elle en levant les yeux sur son père. « Je l'aime beaucoup, car je pense tout le bien possible de lui, et je n'aime pas à le voir malheureux, car je sais qu'il est malheureux. « Je suppose qu'il vous l'a dit aussi, » dit le recteur. « Non, vraiment, papa. Il semble qu'il s'efforce sans cesse de paraître gai. » Mais vous pouvez voir que cet effort lui est pénible. Vous pouvez voir. Je ne vois rien de la sorte. Petite folle de Blanche, répondit son père, pensez-vous que je me donne la peine d'étudier les soupirs et les gémissements de M. Walter Remorden? Je sais seulement qu'il est le meilleur ministre que j'ai jamais eu, qu'il semble remplir son devoir de tout son cœur et qu'il fait bien. Je ne serais pas étonné, cher père, qu'il ait eu quelques déceptions en amour. Je ne sais pas comment cela se fit, mais Blanche, qui d'habitude ne trahissait aucune des folles émotions des jeunes filles, rougit profondément après avoir fait cette observation et se penchant sur son ouvrage, elle fit jouer son aiguille avec une rapidité inaccoutumée. Le recteur ne remarqua pas qu'elle rougissait. Il n'avait pas une seule fois levé les yeux pendant ce court dialogue et Blanche ne dit pas un seul mot de plus au sujet de Walter Romorden. L'anniversaire du mariage de Lady Lestelle arriva. Il y avait 12 mois que Walter était à Belminster. Blanche et lui étaient chaque jour devenus plus intimes. Il en vint à la considérer presque comme un ancien camarade de collège. Il y avait tant de mal aptitude dans le caractère de la fille du recteur qu'elle remplaçait près de Romorden un ami de son sexe. Il ne désirait parler de rien dont il ne put s'entretenir avec elle. Politique, théologie, économie politique, littérature, métaphysique, sur tous ces sujets, elle était sinon son égale, du moins une ravissante néophyte. Franche, sans affectation, sans prétention, toujours désireuse d'apprendre et avide de s'instruire. Personne n'essayait jamais de flatter Blanche. Un compliment vulgaire aurait paru être une insulte à son bon sens. Elle avait peu d'admirateurs, car presque tous ces hommes avaient un peu peur d'elle, bien qu'ils estimassent et respectassent sa bonté et ses capacités. Un soir de décembre, pendant la première année de sa résidence à Belminster, Walter Romorden se trouvait dans la salle à manger du presbytère, causant avec Blanche et sa mère, ou du moins causant à Blanche, car Mrs. Hayward abandonna bientôt la conversation en disant qu'ils étaient si savants qu'avec eux, elle se trouvait tout à fait stupide. Le recteur s'était retiré dans son cabinet après le dîner pour vérifier quelques comptes se rapportant à sa nouvelle école nationale. Blanche et le vicaire étaient donc parfaitement seuls. Dans ces moments-là, Blanche était vraiment heureuse. Ayant un tas de livres sur la table devant elle, tout prêt pour la discussion, M. Romorden, également prêt à déployer les richesses de sa conversation, sa mère, tranquillement assise devant sa petite table à ouvrage, et par-dessus tout la conscience d'avoir rempli sa journée d'une façon qui eût étonné n'importe quelle jeune personne de Yorkshire, Blanche était au 7e ciel. Mais elle ne devait pas jouir longtemps sans être interrompue de la société du vicaire. Son père vint pour le thé, et il avait bien des choses à leur dire sur une visite qu'il venait de recevoir dans son cabinet. « Je sais à peine conseiller, Blanche, » dit-il, « mais vous et Romorden, qui est si raisonnable et qui avait toujours de bonnes idées, vous trouverez peut-être ce que je dois répondre à M. Downton, le maître de la première pension de cette ville, qui vient me demander conseil sur une difficulté dans laquelle il se trouve. »« Et quelle est cette difficulté, papa ?» demanda Blanche. « La voici, ma chère, » dit le père. « M. Downton a depuis quelques années parmi ses élèves un jeune homme du nom de Saunders, qui a été amené chez lui il y a 12 ans et demi, et qui à cette époque était âgé d'environ 10 ans. Il a donc maintenant 22 ans. Par conséquent, il est assez âgé pour aller dans le monde au lieu de moisir dans le parloir de M. Downton. Mais là n'est pas la difficulté. Il paraît que le jeune homme a été amené chez M. Downton par son oncle, un nommé Saunders, qui a déclaré être ministre de l'Église d'Angleterre. Le jeune homme, disait-il, était orphelin et fils de son frère, mort aux Indes occidentales, où il était né, et où il avait eu une attaque de fièvre jaune si forte que, pendant quelque temps, il avait été privé de sa raison et que sa mémoire en avait été tellement altérée qu'il lui était impossible de se rappeler le moindre événement de son enfance. M. Saunders l'amenait donc à Belminster, disait-il, dans l'espoir que les soins, les attentions et l'air de la province pourraient lui rendre la santé. Pendant 11 ans, le prix de la pension du jeune homme a été payé régulièrement. M. Saunders venait de Belminster tous les 6 mois pour régler son compte et voir son neveu. Mais depuis 1 an et demi, M. Downton n'a pas reçu un liard, et il ne peut obtenir aucune nouvelle de M. Saunders. « Mais n'a-t-il pas son adresse ?» demanda Walter. « Non. M. Saunders lui avait dit de toujours adresser ses lettres sous enveloppe à un homme d'affaires de Gray's Inn Square. Il a écrit, cela va sans dire, à ce gentleman. Mais il n'a pu rien apprendre, si ce n'est que l'homme d'affaires croit fermement que M. Saunders est parti pour les Indes. Ou, il n'en sait rien. Mais la liste du clergé, oh, quant à cela, dit le recteur, il y a plusieurs Saunders dans l'église, mais M. Downton a écrit à tous ceux qui portent ce nom et il a reçu des réponses où ils disent ne rien savoir de cette affaire. Et le jeune homme ne peut-il donner des renseignements? Rien, absolument, qui puisse jeter quelque lumière sur ce sujet. Il ne se rappelle absolument rien de son enfance, si ce n'est qu'il s'est trouvé au bord de la mer avec son oncle George, c'est le nom qu'il donne à M. Saunders, après une dangereuse maladie. Il croit être resté au bord de la mer pendant 2 ou 3 ans, mais il ne se souvient pas du nom de l'endroit ni des gens chez lesquels il était. Et peut-il se souvenir de ce qui s'est passé avant sa maladie? Non, on ne peut jamais l'amener à parler de cette époque, et il éprouve une répulsion étrange à s'entendre questionner à ce sujet. Son tempérament est extrêmement nerveux et sa santé délicate. Mais son intelligence est-elle le moins du monde dérangée? Demanda Walter Remorden. Pas du tout. Au contraire, M. Darnton prétend qu'il est très intelligent. Papa! S'écria tout à coup Blanche. J'ai une idée. Je savais bien, cher enfant, que vous nous aideriez à sortir d'embarras. Vous savez, papa, que dès que votre nouvelle école nationale sera construite, vous aurez besoin d'un maître d'école pour les garçons. Je pense que vous serez bien aise de trouver un jeune homme dans cette situation, n'aimant pas avoir lutté contre les préjugés établis et les idées surannées. Pourquoi ne pas prendre ce jeune homme abandonné? Vous pourriez lui donner vos principes et faire de lui un maître d'école modèle. C'est vrai, Blanche, et je le ferai. Si l'herbe poussait dans le square placé devant la cathédrale, elle n'avait jamais le temps de pousser sous les pieds du recteur de Sainte-Marie. Donc, le lendemain matin, M. Hayward, étant lui-même particulièrement occupé, envoya son vicaire chez M. Darnton, le maître de pension, pour qu'il fît connaissance avec Richard Saunders. « Faites attention que je m'en rapporte entièrement à vous, » dit M. Hayward. « Vous verrez en 5 minutes si le jeune homme pourra vous convenir, sinon nous songerons à quelque autre chose pour lui. » Le vicaire trouva Richard Saunders assis devant la porte du parloir de M. Darnton. Le digne maître de pension n'avait rien changé à la manière dont il traitait son élève depuis qu'on avait cessé de payer la pension. En vérité, il était sincèrement attaché au jeune homme et avait à cœur de le voir réussir. « Car il est bien triste, » disait-il au vicaire en le conduisant au parloir. « Il est bien triste de voir un jeune homme délicat, sensible et impressionnable, jeté dans le monde sans amis pour lui venir en aide. » Walter Remorden eut une impression favorable à l'aspect du jeune homme. Il y avait quelque chose de particulièrement délicat dans son pâle visage et dans ses longs cheveux blonds, rejetés en arrière. « Voici M. Remorden, Richard, » dit le maître de pension, « dont vous avez entendu et admiré si souvent les sermons. » Le jeune homme leva les yeux, mit son livre de côté, et se levant vivement, il salua Walter en rougissant comme une jeune fille. « Je vais vous laisser avec Richard, » dit M. Darnton au vicaire. « M. Remorden voudrait causer un instant avec vous, mon cher enfant, » ajouta-t-il en s'adressant à son élève. Le vicaire entama plusieurs sujets de conversation, mais Richard Saunders ne répondit que par monosyllabes, jouant tout le temps avec les feuillets du livre qu'il avait dans la main. Walter Remorden remarqua ses mains minces et débiles, qui étaient aussi blanches et aussi délicates que celles d'une femme. « Où en est-il arrivé ?» pensa le vicaire. « Il est aussi délicat qu'une femme, et je crains qu'il n'ait qu'une pauvre intelligence. » Mais bientôt, Walter vit qu'il s'était trompé. Après quelque temps, le jeune homme s'échauffa. Il parla beaucoup et quelquefois il fut même presque éloquent. Il parla de beaucoup de choses, sans beaucoup de brillant peut-être, mais toujours avec beaucoup de jugement et de raison. Alors le vicaire crut le moment arrivé d'aborder le sujet de l'école nationale. Il trouva le jeune homme enchanté de cette idée. « Il ferait tout, dit-il, tout, quelque dur que peut être l'occupation, plutôt que de rester plus longtemps à la charge de son excellent maître de pension. « Je lui dois déjà tant, » dit Richard. Tant que je ne pourrai jamais m'acquitter envers lui. Il a remplacé les parents que j'ai perdus. Il m'a guéri de cruelles déceptions. Quelle déception ? Demanda Walter Remorden. Des déceptions dont je souffrais encore quand je suis arrivé ici. Oh, je vous en prie, ne me demandez rien sur ce sujet. Je suis maintenant parfaitement guéri. Je le suis, oui, je le suis. Il parlait avec une énergie et une rapidité fiévreuse. Mais, se calmant tout d'un coup, il dit tranquillement. Maintenant, « Parlez-moi de la nouvelle école. Je pense que s'il est une position dans laquelle je puisse rendre quelques services, c'est celle de maître d'études. J'ai vu si bien enseigner ici. » Le lendemain matin, Richard Saunders vint au presbytère. M. Hayward le reçut cordialement, lui frappa sur l'épaule d'une main qui sembla ébranler le frêle corps du jeune homme, et le confia à Blanche. « Elle vous dira ce qui en est, mon garçon, » dit le recteur. « Elle est mon secrétaire, mon premier ministre et mon enfant gâté. » ajouta-t-il tendrement, comme la jeune fille secouant en arrière ses boucles charmantes et tendait son front haut et blanc à son père pour recevoir un baiser. Richard devint écarlate en s'entendant présenter à Miss Blanche Hayward. C'est à peine s'il s'était trouvé avec des femmes, et il était plein d'appréhension en se voyant la merci d'une jeune fille de 19 ans. Comment devait-il lui parler? Blanche lui eut bientôt mis à l'aise, Elle lui dit de s'asseoir à côté d'elle et, prenant plusieurs papiers, elle commença à lui parler des plans, des estimations, des statistiques, des écoles libres, jusqu'à ce qu'elle lui amenait à causer sur ce sujet et qu'elle lui eût fait à peu près oublier qu'il parlait à cette terrible partie de la création à une jeune fille. Il ne pouvait tout à fait l'oublier cependant, car il ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'elle avait de très beaux yeux gris, d'abondants cheveux châtains, qu'elle était grande, gracieuse, élancée et avait des formes arrondies. Il se souvenait de l'avoir vue au banc du recteur, de sa place, dans la tribune de Sainte-Marie, et il se souvenait aussi de s'être dit qu'elle devait être une bien aimable personne. Et elle est aimable, pensait-il, quand Blanche le quitta pour aller s'habiller. Combien a-t-il d'aisance et combien il y a peu d'affectation dans ses manières, et combien elle est simple dans son désir de faire le bien. Blanche revint, tandis que Richard continua à souper, sachant bien qu'il aurait dû dire quelque chose à la pauvre Mrs. Hayward, absorbée par son éternel ouvrage à aiguille. « Je vais vous mener à l'école, » dit Blanche en rentrant, enveloppée dans une écharpe et la tête couverte d'un grand chapeau de paille. « Et je vais vous montrer la maison qu'on construit pour vous, où vous habiterez, vous savez, avec une vieille femme ou un jeune garçon, enfin, quelqu'un pour vous servir. Car sans doute vous ne pourriez faire votre cuisine. »« Faire ma cuisine ?»« Non, je crains bien que non, » dit Richard en rougissant. « Quel dommage, » répliqua Blanche. « Il eût mieux valu que vous eussiez pu préparer vous-même votre dîner. » Mais alors il vous faudra une servante. » La nouvelle école était située dans un petit vallon à 1/2 mile de la ville. Blanche et Richard marchaient côte à côte sur l'herbe humide, la jeune femme traitant son compagnon avec la familiarité que prennent souvent les jeunes filles avec un jeune homme du même âge qu'elle. Blanche parlait à Richard Sanders avec la calme supériorité d'une femme qui parle à un enfant, et pourtant il était son aîné de 3 ans. « Il y a longtemps que vous êtes à Belminster, » dit-elle. « Oui, 12 ans. » Et avant de venir ici, j'étais au bord de la mer, dans un endroit très tranquille, qui n'était pas à beaucoup près aussi grand que Belminster, un lieu très retiré, où il n'y avait que très peu de maisons, des rochers très élevés et une mer orageuse et furieuse. Mais, dit Blanche, vous devez au moins vous rappeler le nom de cet endroit. Non, vraiment, je ne crois pas l'avoir jamais entendu prononcer. Je sais qu'en venant à Belminster, nous fûmes un jour et une nuit en route, donc cela devait être loin d'ici. C'était un lieu très isolé, et je n'y ai jamais vu que mon oncle George, qui vint m'y voir quelquefois, et une vieille femme qu'on appelait Magway et qui prenait soin de moi. Étiez-vous malade alors? Pas toujours, mais quelquefois très malade, la tête un peu fatiguée parfois. Mais, dites-moi, fit Blanche avec curiosité, vous aviez 10 ans quand vous vint à Belminster. Vous n'êtes resté que 2 ou 3 ans au bord de la mer, donc vous deviez avoir 7 ou 8 ans quand vous y arrivâtes. Vous devez vous rappeler quelque chose de votre existence avant cette époque. « Non, non, non !» s'écria le jeune homme, avec le même regard de terreur que Walter Morden avait remarqué la veille sur son visage. « Non, je ne me rappelle rien de cette époque. Ce n'est qu'illusion et misère. Rien qu'illusion, rien !»« Mais, Monsieur Sanders, » dit Blanche, dont la curiosité était excitée de plus en plus par les manières étranges du jeune homme, « mais ces illusions, qu'étaient-elles ? Ne me le demandez pas !» s'écria-t-il, j'ai fait le serment solennel de n'en jamais parler à aucun être vivant. Un serment? Mais à qui? À mon oncle George. Il m'a dit que ma seule chance de ne pas devenir fou était de me résoudre à n'en jamais reparler. Il m'a dit que ma longue maladie avait rempli mon cerveau d'idées étranges, et qu'il ne tenait qu'à moi d'opérer ma guérison ou de finir mes jours dans une maison de fous. Il m'a dit cela quand nous étions au bord de la mer la veille de notre départ. Je n'étais qu'un enfant, mais je compris bien tout ce qu'il me disait. Je répétais les paroles solennelles d'un serment qu'il me dicta, et par lequel je jurais de ne jamais révéler les fantaisies étranges qui s'étaient emparées de moi. Et maintenant que vous êtes âgé, pensez-vous que votre oncle George a eu raison, et que ses idées n'étaient que des illusions? J'ai juré de n'en jamais parler, je vous en supplie, ne me questionnez pas. Un seul mot. Vous devez vous souvenir de vos amis, de vos parents, de votre père, de votre mère, ma mère! Oh, par pitié, pour l'amour de Dieu, ne me parlez pas de ma mère. Le jeune homme agita les bras en l'air et, se jetant sur l'herbe, il soupira profondément. Blanche s'agenouilla à ses côtés et, tout en lui prodiguant des paroles de consolation, elle essaya de soulever la tête. Mais il continua à la tenir cachée en s'écriant au milieu de ses sanglots. Ma mère, ma pauvre, ma bonne et tendre mère, elle aussi a donc été un rêve, une idée fixe, une illusion, comme le reste.